Bonjour, je m'appelle Clarisse Grand, je suis élève en terminale. Je vais vous parler de ma journée d'immersion au lycée Gambetta à Arras. Tout d'abord, pour participer à une journée d'immersion, il suffit de s'inscrire sur le site du lycée Prépa Arras. Lors de l'inscription, vous pouvez choisir à quel cours vous avez envie de participer. Moi, par exemple, j'ai choisi de suivre des cours de langue et le cours d'option art plastique. Ensuite, l'emploi du temps de ma journée d'immersion était composé de 2 heures d'anglais, 2 heures d'espagnol, 1 heure de français et enfin 3 heures d'option d'art plastique. Les cours sont vraiment soutenus, c'est-à-dire que on va vraiment passer rapidement d'une notion à une autre, de telle heure à telle heure. Par exemple, en anglais, nous avons en première heure étudié un texte, puis en deuxième heure, nous avons écouté l'exposé d'une étudiante sur un auteur anglais, suivi de l'étude d'un autre texte. En espagnol, nous avons étudié également un texte, puis nous avons fait la traduction d'un texte. En option art plastique, le professeur d'art plastique en début d'heure a demandé à chacun de ses étudiants où ils en étaient sur leur projet. Et enfin, nous avons fait un cours sur l'histoire de l'art. Au niveau de la classe, les étudiants sont travailleurs, impliqués, motivés et passionnés par ce qu'ils font. Au niveau des enseignants, nous avons des professeurs passionnés par leur métier. Pour finir, je conseille de faire une journée d'immersion en classe préparatoire aux grandes écoles, car cela permet de se faire une idée du niveau qu'il faut en prépa. Pour moi, par exemple, cela a été bénéfique, car j'ai pu tester si j'avais le niveau pour une classe prépa, mais surtout si je me sentirais à l'aise en prépa. Mais le plus gros, c'est que cette journée d'immersion m'a encore plus motivée à tenter de rentrer dans la classe prépa littéraire du lycée d'Arras.